Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Semaine au Mathieu Plante Show. Docteur d'origine télévisée de la série Timeless est renouvelée quelques jours après avoir été annulée. Il devrait s'inspirer de V qui annule ses émissions chaque année mais qui continue de les jouer pendant comme 5 ans. Dans le segment Geek Cynix, de la peau électronique pour donner le sens du toucher aux robots. Déjà que les robots vont finir par nous tuer, maintenant ils vont ressentir notre mort entre leurs mains. Et dans Merci Science, un jeune russe se fait implanter une boussole numérique dans la poitrine au Mathieu Plante Show tout de suite. Et voici celui qui a une boussole dans son iPhone et qui finit quand même par se perdre. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 15 mai 2017, comme toujours, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie et médecine Merci Science, ainsi que le segment Geek CNX. Malheureusement, cette semaine, on n'a pas de chroniqueur, ni Samuel Girard, ni Frédéric Simon. Si tout va bien, on devrait avoir Frédéric Simon avec nous la semaine prochaine. Donc, pour commencer l'émission, on a entendu une pièce de Amplifier qui s'appelait Cola Kid Press Start Amplifier Remix. Et on continue avec une autre pièce avant de faire CNX Tout ce qui bouge. Voici Vincent Tixura avec Merge Fusion MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89.5. La pièce Merge Fusion par Vincent Isgra. Au Mathieu Plante Show, maintenant, c'est le bloc CNX, tout ce qui bouge. CNX, la Et on commence tout ce qui bouge avec les vélos. Pour commencer, tiens, un café gratuit ou des bières, une nouvelle application mobile qui offre des récompenses aux cyclistes fait une arrivée remarquée à Toronto après avoir été lancée en Colombie il y a 2 ans. À 2 jours après son lancement à Toronto, 4000 personnes avaient déjà téléchargé cette application gratuite, Biko, B-I-K-O. Le concept est simple, l'application utilise le GPS du téléphone pour calculer le nombre de kilomètres parcourus par un cycliste. Un kilomètre équivaut à un point Biko. L'application a été lancée à Bogota en 2015 avant d'être proposée à Medellin en Colombie, puis à Mexico et à Vancouver. Un cycliste de longue date a déjà obtenu plusieurs récompenses, dit-il. Il était sceptique au début et il dit que ça semblait pas très sérieux, mais il y a plein de bonnes raisons. C'est écolo et bon pour la santé. Des raisons de faire du vélo, bien sûr. Après avoir enregistré ses trajets au travail, à l'école ou à l'épicerie pendant quelques semaines, il a pu cumuler assez de points pour obtenir un casque de vélo gratuit et un emballage de 6 de sa bière préférée. Hein, sur l'article de la CBC, l'application s'appelle Biko, B-I-K-O. Ensuite, on va en voiture autonome. Selon le pays qui est l'Allemagne, le code de la route et les lois qui régissent la circulation sont différents. La manière de conduire diffère aussi d'une contrée à l'autre. Bien qu'encore tout récent, les véhicules autonomes sont aussi soumis à des réglementations bien diverses et aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui fait un pas de plus vers leur adoption. En effet, le pays vient de légaliser les tests de voitures autonomes sur leur route. La loi en question avait été proposée par la chancelière Angela Merkel l'année dernière. Elle n'a été acceptée que récemment, dans les derniers jours. Sans surprise, certaines mises en garde s'appliquent. Il faut notamment qu'un conducteur humain soit derrière le volant durant toute la durée du test, prêt à reprendre le contrôle du véhicule, le cas échéant. La loi oblige aussi les voitures à intégrer une boîte noire, laquelle enregistrera tout le trajet. Toujours est-il que la loi est importante pour les constructeurs comme BMW, Daimler et Volkswagen qui travaillent tous sur ces technologies. Toujours en voiture, voilà, ces routes qui se réparent d'elles-mêmes pourraient aussi recharger votre voiture. La détérioration des routes est un véritable problème pour les véhicules. Ceux-ci en subissent constamment les conséquences, nous dit Uber Gizmo. Et réparer ces voies de circulation n'est jamais une mince affaire. Les chercheurs néerlandais ont mis au point une route qui se répare d'elle-même et qui peut même recharger les véhicules électriques. Cette route, pas comme les autres, comme l'explique Eric Schlangen de l'Université de Delft, pourra recharger votre véhicule lorsque celui-ci est arrêté à une intersection. Les défis sont nombreux pour arriver à une solution parfaitement viable. Cela dit, il faudra d'abord une machine à induction pouvant générer suffisamment de chaleur dans l'asphalte et dans les fibres pour déclencher le processus de réparation. Sans parler de l'électricité qui devrait être transmise jusqu'au véhicule. Pour lui, ça représente un surcoût de 25% pour M. Schlangen sans l'équipement additionnel. Encore faudra-t-il que l'infrastructure de la ville puisse assurer toutes ces dépenses d'énergie supplémentaire, de quoi faire grimper considérablement la facture finale. Mais en envisageant des routes capables de s'auto-réparer, le budget d'entretien de la voirie serait largement revu à la baisse. Et avec des bornes de changement à chaque feu, à chaque stop, ce serait autant de stations de recharge dédiées en moins. Les Pays-Bas sont pionniers sur le secteur. Des expérimentations ont déjà été effectuées concernant de l'asphalte capable de se réparer de lui-même en 2010. Le défi le plus important sera probablement de faire participer tout le monde à tous les niveaux, des gouvernements aux constructeurs automobiles. Mais qui sait, peut-être un jour aurons-nous de telles routes partout. Ensuite, le premier porte-conteneur électrique et autonome va être construit. Une entreprise norvégienne de production d'engrais se lance dans la construction d'un porte-conteneur électrique et autonome pour transporter les produits jusqu'à des ports maritimes. L'autonomie n'est pas encore acquise et ce navire serait une première. Fin 2018, un curieux navire, le Yara Birkeland, devrait circuler dans les fjords norvégiens au sud d'Oslo. Électrique, ce porte-conteneur fera la navette entre Porsgrunn, non loin de la capitale, et les ports de Brevik, à une douzaine de kilomètres de là, et de Larvik, plus proche de l'ouverture sur la mer du Nord, environ 50 kilomètres. Le bâtiment est annoncé en cours de construction par l'entreprise Yara, industrielle de la chimie qui produit des engrais dans ses installations de Porsgrunn. Chaque jour, on nous dit que plus de 100 camions à moteur diesel sont sur la route vers les deux ports d'embarquement. Annuellement, ce transport routier représente 40 000 voyages dans une région urbanisée. Pourtant, Porsgrunn est au bord de la mer et même si la route n'est pas une ligne droite, fjord oblige, le transport par voie maritime semble à première vue une solution simple pour rallier les ports de Brevik et de Larvik. Yara s'est adressée à Kongsberg, une entreprise norvégienne travaillant dans les domaines maritimes, de l'aérospatial et de l'armement, pour mettre au point un navire spécifique de type porte-conteneur. Il sera donc électrique, alimenté par des batteries, ce qui réduira considérablement la pollution locale et les émissions de CO2, mais aussi autonome. Birkeland est un nom connu en Norvège et dans le monde de la physique pour Christian Birkeland, né en 1867 et mort en 1917, qui a été un physicien inventif et éclectique. Son fait d'armes le plus connu est d'avoir découvert la cause des aurores polaires qu'il réussit même à reproduire en laboratoire. L'autonomie de tel navire serait une première et si vous voulez voir le reste des détails, c'est sur assemblagerequis.com. Ensuite, le diesel. Tiens, on a parlé de diesel tout à l'heure. Des milliers de morts en plus. Les voitures diesel pollueraient bien plus que ce qu'on croyait. D'après une recherche parue dans Nature, le dépassement des normes de pollution serait lié au décès prématuré de 38 000 personnes dans le monde en 2015. Chaque année, d'après l'OMS, la pollution de l'air cause le décès de 3 millions de personnes dans le monde. Les moteurs diesel contribuent à cette pollution à cause des oxydes d'azote qu'ils rejettent, c'est les NOx. Ils sont irritants par les voies respiratoires et réagissent avec des molécules de l'atmosphère pour produire de l'ozone et des particules fines. L'ozone aggrave les maladies pulmonaires comme l'asthme et les particules fines sont associées à des maladies cardiovasculaires. Pour cette nouvelle recherche dans Nature, l'équipe a analysé 30 études sur les émissions des véhicules dans des conditions de conduite réelles. 11 marchés représentant 80 % des ventes de nouveaux véhicules diesel ont été étudiés en Australie, au Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, Inde, Japon, Mexique, Russie et l'Union européenne. Résultat, il y avait un décalage entre les émissions réelles des véhicules et ce qu'ils devraient émettre d'après les tests. Ainsi, en 2015, les véhicules diesel ont émis 13,1 millions de tonnes de NOx dans le monde, mais si ces véhicules avaient respecté les normes, seulement 8,6 millions de tonnes auraient été libérés. D'après le communiqué de l'Université du Colorado à Boulder, les camions et les cars représentent 76 % de cet excès dans les émissions de NOx. En 2015, 38 000 personnes seraient décédées à cause de ces excès. En Europe, où les véhicules diesel sont fréquents, 11 500 décès parmi les 28 500 attribués à la pollution des NOx du diesel seraient liés à des émissions en excès. Et en Chine, sur les 31 400 décès annuels attribués à la pollution au NOx, 10 700 étaient liés au dépassement des limites. En 2040, oui, si rien n'est fait, les véhicules diesel causeront 183 600 décès prématurés chaque année dans le monde. Pour David Hans de l'Université de Colorado Boulder, les conséquences étaient bien plus vastes que ce qu'on pouvait imaginer avec le système de fraude à la pollution de Volkswagen. Avant de durcir les normes, il faudrait que les véhicules respectent déjà la réglementation existante dans des conditions de conduite réelles et pas seulement lors des tests en laboratoire. Et finalement, Toyota veut une voiture volante pour les Jeux olympiques de Tokyo. Le constructeur automobile japonais Toyota a investi dans une jeune pousse qui développe un concept de voiture volante à trois roues dont la technologie est dérivée de celle des drones. L'engin est censé voler à partir de l'année prochaine et Toyota souhaite qu'il soit opérationnel en 2020 pour allumer la flamme olympique en ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. 2020 sera une année très importante pour le Japon qui accueillera les Jeux olympiques. Ça se passera à Tokyo et si tout se déroule comme prévu, le pays du soleil levant pourrait nous offrir une surprise au moment de l'allumage de la flamme olympique, nous dit Futura Science. En effet, il est question que le porteur du flambeau se déplace dans une voiture volante pour aller enflammer le vasque. La vasque est située à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du stade qui accueillera la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. Cette voiture volante s'appelle SkyDrive, pareil comme le disque en ligne nuage de Microsoft. Ça n'existe pas encore, par contre. Mais le projet vient de recevoir un soutien de poids avec Toyota. Le constructeur automobile nippon va investir 40 millions de yens dans la jeune pousse Cartivator qui regroupe une trentaine d'ingénieurs volontaires travaillant sous la houlette de Masafumi Miwa, un expert en drones de l'université de Tokushima. Selon la description assez succincte qui est faite, cette voiture volante serait la plus petite du genre. Les images de synthèse présentant le concept montrent un engin monoplace à trois roues muni de quatre rotors lui permettant d'effectuer un décollage vertical. La SkyDrive ressemble en fait à un drone avec un siège et un poste de conduite en position centrale. L'engin devrait mesurer 2,9 mètres de long pour 1,30 mètres de large. Sur route, sa propulsion électrique lui permettra d'atteindre 150 km/h. Dans les airs, la machine pourra voler à 10 mètres d'altitude jusqu'à 100 km/h. Selon ses concepteurs, la voiture volante pourrait décoller depuis n'importe quelle route en offrant un pilotage facile et intuitif. Toyota ne semble pas techniquement impliqué dans le projet SkyDrive, mais un premier prototype fonctionnel doit prendre les airs l'année prochaine, deux ans avant le grand rendez-vous des Jeux olympiques d'été de Tokyo. Voilà, c'est tout pour le bloc Tout ce qui bouge, qui va juste après l'émission En piste avec Tania Baudin, donc le mercredi à partir de 14h et nous à 15h. On enchaîne dans le même sens. Alors, on retourne en chiptune avant de passer au bloc Television. On a plein de nouvelles sur les nouvelles émissions d'automne qui s'en viennent. Mais pour l'instant, on écoute Leave Luck to Hell. Voici Phoenix Down Syndrome tout de suite au Mathieu Planchou. We'll be right back. Dr. Hell, aussi connu sous le nom de Dan Tando, avec Phoenix Down Syndrome. Au Mathieu Plante Show, et maintenant c'est le moment de... On va faire deux blocs aujourd'hui de Television, Television. Celui-ci parle de ce qui s'en vient cet automne. Television, Television, maintenant. Vous étiez avec nous la semaine passée, vous avez remarqué que la chronique de Television Television était vraiment courte, il se passait rien, et c'est normal parce que les semaines juste avant la mi-mai sont complètement mortes. Pourquoi? Parce qu'on se prépare, et la mi-mai, c'est là que les choses se passent. Les nouvelles émissions qui s'en viennent sur ABC, CBS, The CW, Fox et NBC aux États-Unis ont toutes été annoncées. C'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe. Donc on commence par ABC, qui nous amène un nouveau drame qui s'appelle The Crossing, où les réfugiés viennent se placer dans une petite ville, et ils se cachent de la guerre. Qui n'a pas encore eu lieu, nous dit-on. Ensuite, il y a Deception, l'histoire d'un illusionniste qui perd sa carrière après un scandale. Il y a For the People, un drame légal qui se passe dans les cours, dans la District Court américaine à New York. Ensuite, The Young Doctor, un jeune chirurgien autiste. S'en vient, le syndrome du savant fou. Là. Ensuite, The Gospel of Kevin avec Jason Ritter, ou avec un gars qui change sa vie complètement, une mission qui pourrait aider à sauver le monde. Et puis, il y a la nouvelle émission de Marvel qui s'appelle Inhumans qui s'en vient les vendredis soirs. Côté comédie, il y a The Mayor avec un jeune rappeur qui essaie de devenir maire dans sa ville pour aider sa carrière musicale. Il y a Splitting Up Together avec un couple qui essaie de rallumer sa relation après un divorce. Et puis la nouvelle émission de Zach Braff. Le titre est sorti plus tard, mais je ne l'ai pas dans l'article ici. Donc c'est un journaliste qui décide de laisser son emploi derrière lui pour démarrer sa propre entreprise, inspirée par le podcast, la balado-diffusion Startup. Ça vient d'un ancien auteur et producteur de la série Scrubs. Ensuite, sur CBS, on a un nouveau drame, Instinct, qui parle d'un ancien agent de la CIA qui est maintenant rendu professeur et qui aide à attraper un tueur en série. Il y a SEAL Team qui se passe dans la marine américaine. C'est David Boreanaz qui joue là-dedans, anciennement de Bones. C'est une unité élite de Navy SEALs en mission dangereuse. Ensuite, SWAT, qui nous parle de l'unité de la LAPD, des armes et de la tactique Special Weapons and Tactics Unit. Ensuite, Wisdom of the Crowd, sur un entrepreneur dans le domaine de la technologie qui crée une application de crowdsourcing pour aider à résoudre le meurtre de sa fille. Du côté de la comédie, il y a 9JKL. C'est Mark Feuerstein qui a créé et qui est la vedette de cette émission-là, où il joue un gars dans un appartement de New York qui vit dans l'appartement où il a grandi. Voilà. Ensuite, By the Book, qui est basé sur le livre The Year of Living Biblically. Oui, c'est un homme qui suit strictement les règles de la Bible, et c'est plus difficile qu'il le pensait. Ensuite, Me, Myself and I, une émission qui surveille la vie d'un homme pendant 50 ans, alors qu'il était adolescent dans les années 90, en tant qu'homme de 40 ans dans le présent et un homme de 65 ans en 2042. Ça a l'air vraiment intéressant. Ensuite, Young Sheldon, on en parle depuis des mois, c'est le spin-off de Big Bang Theory qui nous montre un Sheldon Cooper pré-adolescent qui grandit dans le Texas. Ensuite, chez The CW, Black Lightning dans les drames, c'est la cinquième émission de super-héros de DC. Ensuite, Dynasty, le reboot du soap des années 80. Hein? Valor, ensuite, qui se passe dans une base de l'armée américaine. Et côté comédie, on a Life Sentence avec une jeune fille jouée par Lucy Hale. Ça, c'est la fille de Pretty Little Liars qui est diagnostiquée d'un cancer terminal et qui finalement apprend qu'elle ne meurt pas. Hein? Elle ne mourra pas tout de suite. Ensuite, chez Fox, dans les drames 911, une série de Ryan Murphy, qu'on connaît aussi pour American Horror Story et Glee. C'est la vie des premiers répondants, l'officier de police, paramédicaux, pompiers et autres. Ensuite, The Gifted, une série adjacente aux X-Men qui vient de Marvel. Ensuite, The Orville, c'est la nouvelle émission de Seth MacFarlane. C'est une émission avec des humains pour la Fox. Une série de science-fiction, mais une genre de parodie. Ça ressemble un petit peu à c'était quoi dans l'émission? Ouais, c'est quoi le film? Je me rappelle plus. Bref, c'est une genre de parodie d'émission de science-fiction, voilà. Ensuite, The Resident, ça se passe dans un hôpital. C'est un nouveau médecin qui prend... en fait, c'est un médecin qui prend un autre nouveau médecin sous son aile, voilà. Dans les comédies, on a Ghosted, qui... les commentaires sont pas très très bons sur cette émission-là. Ça met en vedette Adam Scott et Craig Robinson. C'est donc un vrai croyant des fantômes et un sceptique recruté par une agence gouvernementale pour enquêter sur les trucs paranormaux qui se passent à Los Angeles. On dit que c'est une parodie, si on veut... humoristique de X-Files. et LA to Vegas, une émission qui met en vedette un groupe de gens, l'équipe et les passagers, et qui font un vol hebdomadaire entre Burbank et Los Angeles en espérant de devenir riche. Donc c'est par le créateur de Unbreakable, Kimmy Schmidt. Sur NBC, ensuite, côté drame, on a Good Girls, non, The Brave, pardon, oui, The Brave, qui suit un groupe militaire qui se met en jeu, qui essaie de prendre des missions secrètes derrière les lignes ennemies. Ensuite, c'est Good Girls, c'est l'histoire de trois femmes qui essaient de faire un petit peu d'argent en volant des supermarchés, ce qui mène à plein d'autres problèmes. Ravery, qui est un ancien négociateur d'otages, qui a quitté son emploi après une tragédie personnelle, et puis maintenant, il doit sauver des gens qui sont devenus perdus dans un monde de réalité virtuelle sophistiqué. Voilà. Ensuite, Rise, basé sur le livre Drama High, qui suit un professeur, un enseignant d'école secondaire qui est dans une ville économiquement déprimée, en dépression économique, et les étudiants qui l'inspirent. Ensuite, côté comédie, on a AP Bio qui suit un philosophe qui ne réussit pas à se trouver son emploi de rêve et qui finalement doit enseigner la biologie à l'école secondaire. Et il suit ensuite ses étudiants pour son propre bénéfice. Voilà. C'est le vétéran de Saturday Night Live, Mike O'Brien, qui a créé l'émission. Et puis finalement, Champions, propriétaire de gym, et son frère, dont la vie change après que l'ex de Vince se présente avec son fils adolescent. Voilà. Donc, il y a plein d'histoires à suivre cet automne. Évidemment, le trois quarts de ça ne vont pas durer plus qu'une saison, mais on va au moins savoir ce qui s'en vient. Maintenant qu'on a parlé des résumés de ces... réseau-là, allons-y avec les horaires un petit peu. Du côté de Fox, les lundis soirs, on change de case horaire pour Lucifer, et ensuite c'est The Gifted, dont j'ai parlé tantôt. Ensuite, les mardis, un nouveau soir pour Lethal Weapon. Ensuite, les deux comédies The Mick et Brooklyn Nine-Nine, qui sont les deux de retour. The Mick est un énorme succès. Ensuite, les mercredis, nouvelle case horaire pour Empire, suivi de Star, donc deux émissions du même créateur. Jeudi, Gotham, nouveau soir, et The Orville, l'émission de science-fiction parodie dont j'ai parlé tantôt. Vendredi, c'est Hell's Kitchen et The Exorcist. Oui, surprise, le retour de The Exorcist. Ça revient pour une deuxième saison, on s'attendait pas trop à ça. Finalement, les dimanches, après le football, on a Bob's Burgers, The Simpsons, la nouvelle comédie Ghosted, Family Guy et The Last Man on Earth, qui sont tous de retour. Évidemment, tous les détails sur les changements de cases horaires et pourquoi ça a eu lieu sont sur assemblagerequis.com. C'est quand même assez complexe, la programmation des réseaux américains, dépendant si on est l'automne ou à la mi-saison. Ensuite, chez ABC, le lundi soir, continue avec Dancing with the Stars, suivi de la nouvelle émission de Good Doctor. Les mardis, c'est The Middle, Fresh off the Boat, qui change de case horaire, Blackish, qui change de soir, et The Mayor, suivi du drame The Gospel of Kevin. Mercredi, c'est The Goldbergs, The Speechless, Modern Family, American Housewives, qui change de soir, et Designated Survivor, qui est quand même un assez gros succès. Les jeudis, ça reste la soirée des émissions de la même créatrice, de Grey's Anatomy. On a Scandal ensuite, et How to Get Away with Murder. Ensuite, vendredi, nouveau soir pour Once Upon a Time, suivi d'émissions de Marvel Inhumans, et puis la série de nouvelles 2020. Samedi soir, c'est du football universitaire. Dimanche, c'est toujours drôle de vidéo. America's Funniest Home Videos qui débute la soirée. Ensuite, le quiz To Tell the Truth. Nouveau soir pour Shark Tank qui passe du vendredi au dimanche. Et 10 Days in the Valley qui complète la soirée. Ils ont enlevé leur soirée de comédie sur ABC, malheureusement, ce qui a fait que certaines émissions sont parties, dont Last Man Standing. Ensuite, toujours chez ABC, la série culte Roseanne va être de retour, mais seulement en 2018. La chaîne a commandé 8 nouveaux épisodes de la série américaine culte Roseanne, diffusée à l'origine entre 88 et 97, avec les acteurs principaux de l'époque. Ces épisodes vont être diffusés en 2018, annoncé ABC à l'occasion de la présentation des annonceurs de sa grille de programme 2017-2018. La série Roseanne est considérée comme l'une des plus marquantes des années 80-90 aux États-Unis. Elle avait fait le choix de dépeindre une famille peinant à joindre les deux bouts, illustration d'une Amérique rarement montrée à la télé à ce moment-là. Lors de sa deuxième saison, la série fut même en tête des audiences devant le Cosby Show. Au milieu des années 90, elle a perdu en popularité avant de disparaître en 97 après 221 épisodes. L'actrice Roseanne Barr, qui a interprété l'héroïne Roseanne Connor, sera de retour dans ses nouveaux épisodes et a également été scénariste de tous les épisodes de la série. Il y a plein de choses qui ont changé. Pour ceux qui ont vu la finale de la série, je vous dirai pas tous les punchs, mais disons qu'il y a plusieurs choses qui ont changé parce que, en tant que tel, si on se fie sur la fin de l'émission, ça devrait pas se passer comme ça. Mais bon, j'imagine qu'on va faire semblant que ça a pas eu lieu, tout ça. Hein? Allez voir les résumés du dernier épisode de Roseanne si ça vous intéresse. Ensuite, Katy Perry va joindre American Idol comme juge. On a déjà parlé du retour de l'émission la semaine passée. Et bien maintenant, c'est officiel, elle va faire partie des juges. C'est le président de ABC Entertainment, Channing Dungey, qui a annoncé l'addition de Perry mardi au Upfront. La pop star avait précédemment refusé les offres de d'autres émissions comme X Factor qui est aussi produit par Fremantle Media. Elle a été juge invitée pendant la saison 9 alors qu'elle remplaçait Paula Abdul pendant un petit moment. Nominée au Grammy 12 fois, oui, Perry est une des artistes qui vend le plus aux États-Unis. On va suivre le reste pour savoir qui va embarquer dans l'émission. On parle peut-être Adam Lambert. On cherche des anciens d'American Idol pour participer à la série. Il y en a plusieurs qui ont joint The Voice pendant ce temps-là. Malheureusement, je crois que c'est Kelly Clarkson. Oui, c'est ça, Kelly Clarkson et Jennifer Hudson qui vont être dans la saison 14 de La Voix de Voice aux États-Unis. Ensuite, Jimmy Kimmel et Justin Theroux sont partenaires pour une sitcom en direct sur ABC. Oui, ils vont produire les deux ensemble une sitcom spéciale pour ABC qui va être diffusée dans la saison 2017-2018. C'est un projet qui a présentement pas de titre et puis ça va prendre des scripts de sitcom classiques des années 70, 80 et 90 et ça va être rejoué devant public par les plus grands noms de la comédie aux États-Unis. Vraiment cool quand même. L'émission spéciale va être produite par Smoking Baby Productions et enregistrée devant un public en studio. Kimmel et Theroux vont être producteurs exécutifs. Donc ça va être vraiment bien. On va surveiller ça. Il y a une sitcom en direct. Ensuite, allons-y avec NBC. Tiens, par rapport à la programmation. Lundi soir, c'est toujours The Voice, suivi de la nouvelle émission dramatique de Brave. Mais mardi, c'est encore The Voice. On a changé le soir pour deux comédies, Superstore et The Good Place, qui donc récupèrent une nouvelle case horaire, une nouvelle soirée. Et à la fin de la soirée, c'est Chicago Fire. Les mercredis, The Backlist change de soir. Ensuite, c'est Law and Order SVU, la loi et l'ordre crime sexuel, puis Chicago PD. Donc, si on surveille, on a la date Chicago Fire et Chicago PD deux soirs de suite à la même heure. Jeudi, c'est le retour du Must See TV. On a ramené le slogan des années 90 avec le retour en plus de Will and Grace à 20h, puis Great News, deuxième saison pour cette série-là, personne ne s'attendait à ça, c'est la série de Tina Fey qui a eu une petite courte saison juste là à la fin du printemps, et bien ça revient à l'automne dans une case horaire permanente. Ensuite, This Is Us change de soir, c'était la série qui menait les codes d'écoute, ça va peut-être continuer le jeudi soir. Ensuite, La Loi et l'Ordre True Crime, nouveau dérivé avec The Menendez Murders, ça va être à 22h les jeudis soirs. Vendredi, Blind Spot, nouveau soir. Taken, nouveau soir, encore une surprise pour Taken, on s'attendait pas à ce que ça revienne. Et Dateline en fin de soirée. Les samedis, c'est toujours Dateline et puis une reprise de SNL à 22h. Les dimanches, c'est le football et puis c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire sur NBC. Ensuite, toujours justement chez NBC, on parle de Timeless, émission de science-fiction qui a été renouvelée pour une deuxième saison chez NBC quelques jours après avoir été complètement annulé. Le producteur délégué Eric Kripke a partagé la nouvelle avec ses fans sur Twitter en écrivant, je cite, « Le Time Team est revenu dans le temps de 3 jours et a changé l'histoire. NBC nous a renouvelé pour 10 épisodes. » Donc, diffusion l'été prochain, ça s'en vient. Cependant, Kripke a suivi ce tweet avec un autre, notant que la date et l'heure n'ont pas encore été définies. Il avait annoncé que ça allait être l'été prochain, mais finalement, c'est juste en 2018. Ça a changé. Un trio improbable composé d'une enseignante en histoire, d'un militaire et d'un scientifique voyage à travers le temps afin d'arrêter un dangereux criminel désireux de modifier le cours de l'histoire telle que nous la connaissons. C'est le résumé de Timeless qui met en vedette Abigail Spencer, Matt Lanter, Malcolm Barrett, Goran Vishny, Patterson Joseph et plusieurs autres. C'est une production de Sony Pictures Television, Davis Entertainment, Midkid Productions et Kripke Enterprises. Maintenant, on va chez CBS les lundis. Vont changer en cours de route, donc ça va commencer en septembre-octobre avec The Big Bang Theory, ensuite la nouvelle comédie 9JKL dont j'ai parlé tantôt, Kevin Can Wait, la nouvelle comédie Me, Myself and I et Scorpion qui est de retour. À partir du 30 octobre, on va changer les choses de place, ça va commencer par Kevin Can Wait, ensuite 9JKL, Me, Myself and I et Superior Donuts qui va être de retour, puis toujours Scorpion à la fin. Ça c'est parce que Big Bang Theory va changer pour les jeudis lorsque le football va commencer. Donc à la place de commencer la saison les jeudis, on commence le lundi, on déménage. En cours de route. Mardi, NCIS Bull et NCIS New Orleans. C'est bizarre de ne pas mettre les deux NCIS de suite, mais bon. Mercredi, c'est Survivor, SEAL Team et Criminal Minds. Nouvelle heure pour cette émission-là. Les jeudis, comme j'ai dit, ça commence avec le football. Et puis, une fois que le football est terminé, les séries recommencent là à partir du 2 novembre. Donc, on va avoir Big Bang Theory, suivi de Young Sheldon. Au moins, ça fit. Hein? Ils ont mis le dérivé Young Sheldon juste après Big Bang Theory. Ensuite, Mom et puis Life in Pieces et le drame SWAT. Les vendredis, MacGyver, Hawaii Five-O et Blue Blood sont tous de retour. Samedi soir, c'est le retour des reprises et de 48 Hours, le magazine de mystère, en fin de soirée. Dimanche, 60 Minutes, Wisdom of the Crowd, une nouvelle émission. Ensuite, NCIS Los Angeles et Madam Secretary. Les deux changent d'heure, mais pas de soir. Voilà. Ça, c'est pour CBS et ça faisait le tour des... Je crois que j'ai pas le CW là-dessus. J'ai pas l'horaire de CW, malheureusement, ici. Pourtant, je me rappelle qu'il est sorti, je l'ai juste pas mis dans mes notes. Super. C'est pas grave. Par contre, je peux parler de des émissions qui sont retirées des ondes. Il y en a une méchante trollée. C'est pas tout, évidemment, qui peut rester à la télé après une saison, même que la plupart des émissions qu'on aime finissent par s'en aller assez rapidement. Donc commençons la liste là. Je vais y aller surtout sur les grands réseaux. Two Broke Girls ne revient pas, Deux filles fauchées c'est terminé, American Crime revient pas, American Gothic, APB sur Fox, Aquarius on le savait depuis un bout, The Blacklist Redemption, malheureusement le dérivé de Blacklist ne reviendra pas, mais un de ses personnages principaux va rejoindre The Blacklist standard la saison prochaine. Brain Dead, ça c'est sans cervelle en français, ça revient pas. The Catch, l'émission qui était par la même créatrice que Scandal et tous les autres ne revient pas non plus. Ensuite Conviction, le spin-off de Criminal Minds Beyond Borders, Doubt qui a duré seulement 2 épisodes, Dr. Ken, Emerald City, Frequency, The Great Indoors, Imaginary Mary, Last Man Standing, je l'ai dit tantôt, Making History, Mercy Street, Notorious, No Tomorrow, The Odd Couple, Pitch, Powerless, Pure Genius, Ransom, The Real O'Neills, Rosewood, Scream Queens, Secrets and Lies, Sleepy Hollow, Son of Zorn, Time After Time, Training Day et You, The Jury ne reviendront pas. Il y en a qui ont duré un petit peu plus longtemps que d'autres, là, mais c'est triste quand même, on se faisait plein d'attente. Je me rappelle avoir vu des bandes annonces pour Son of Zorn, entre autres, que je trouvais qu'il avait l'air vraiment bon, mais bon, ça a duré seulement une saison, que oui. Ensuite, cherchant si je n'avais pas l'horaire de CW, non pas rapidement comme ça, c'est pas grave. Voilà, c'est tout pour le premier bloc de Television. Plein de choses se passent en même temps. On va avoir un deuxième bloc de nouvelles plus généralistes tout à l'heure. Mais pour l'instant, on écoute une pièce du même artiste que celle qu'on a entendue avant le bloc. C'était par Leave Lock to Hell. Voici une deuxième pièce. Zealous God, Tech Tight Ass. Tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show. Sur C'est Fou. Et Last Ride of Casio Tone Kid, mais c'est de Leave Luck to Hell avec Zealous Got a Tech Tight Ass. Maintenant, c'est la suite de Television Television. Television, Television, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles. Juste avant de continuer, tantôt, j'ai parlé de CW et la raison pour laquelle je n'ai pas encore l'horaire, c'est que ça sort aujourd'hui ou demain. Là, c'est là que ça sort. On est seulement mercredi, donc j'avais seulement les résultats du début de la semaine. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Commençons avec Bell qui lance Alt Télé, son offre de télévision IP, donc sur Internet. Premier service du genre offert à grande échelle au Canada. Alt Télé offre aux clients de Bell Internet Fibre ou Fib de regarder la télé sur leur téléphone, tablette, ordinateur ou téléviseur avec Apple TV à partir de 15$ par mois. Donc Bell a dévoilé ce qu'elle décrit comme une toute nouvelle façon de regarder la télé en direct et sur demande. Nommé Alt Télé, ce nouveau service se distingue des autres offres de Bell et de ses concurrents par le fait que ses contenus sont distribués par le web. Dans ce contexte, le fait de ne pas avoir de récepteur est présenté comme un argument de poids par Bell. Ainsi, plutôt que de payer 30$ par mois pour le forfait de base de Bell Téléfibre, selon une promotion de 2 ans qui est présentement en vigueur, offrant un bouquet de 40 chaînes ou plus, vous paierez donc 15$ par mois pour Alt Télé. C'est gratuit le premier mois et son bouquet de 30 chaînes ou plus. La sélection des chaînes est variable selon les régions. Évidemment, il y a toujours une pogne. Avec ce service qui disent révolutionnaire, non seulement vous perdez les chaînes comme CTV2, Global, RDI, LCN, Max, Music Plus et RDS, mais vous perdez aussi la possibilité de regarder la télé sur plus de 2 écrans à la fois. Le communiqué mentionne la possibilité de regarder simultanément 2 flux, mais ne précise pas si cette diffusion est réservée qu'à un seul appareil. Il nous rappelle, branchez-vous. Ça vous permet pas de profiter de l'image en 4K. Évidemment, ça fait rien de ce qu'un récepteur numérique fait, donc vous pouvez pas enregistrer l'émission, ni reculer, ni mettre la diffusion sur pause, ni louer, ni acheter des films, ni des téléséries. Par contre, vous pouvez opter pour le deuxième forfait à 28$ par mois, après un premier mois à 13$, où là vous allez retrouver l'accès à CTV2, Global, LCN et RDS. Vous pouvez acheter des chaînes à l'unité pour 4$ par mois et les 2 chaînes HBO et 4 chaînes de Movie Network. Ça, c'est l'équivalent en anglais de super écran, sont offertes dans un ensemble à 15$ de plus par mois. Celui qui a le budget pourra s'abonner de la sorte jusqu'à 500 chaînes. Le service est réservé qu'aux clients, à certains clients ont eu de belles Internet Fibre résidant au Québec et en Ontario. Les clients doivent passer par l'application Téléfib qui permettra également d'accéder à un catalogue de contenu sur demande. L'application est compatible PC, iOS, Apple TV. Android, ça s'en vient plus tard. On souligne que les données exploitées dans le cadre du service Alt Téléoui ne seront pas incluses dans le calcul de votre consommation. Au moins, il y a un petit avantage. Si vous êtes client de Bell Mobilité, choisissez de regarder la télé sur le réseau cellulaire de l'entreprise. Par contre, là, les données vous seront facturées. C'est un genre. C'est cool. Il y a plein d'autres compagnies qui font ce genre de choses-là aux États-Unis, donc il fallait que ça s'en vienne à un moment donné de cette façon-là ici. Je sais pas si c'est super, super utile pour les gens qui regardent beaucoup de télé, parce qu'il faut vraiment la regarder en direct, ou sinon sur demande. C'est bon. Ensuite, la mini-série canadienne Cardinal va être présentée aux États-Unis sur Hulu. Parlant d'Internet, les Américains pourront visionner Cardinal à partir du 16 juin. Les 6 épisodes de la série ont suscité beaucoup d'intérêt de la part des téléspectateurs canadiens depuis sa première diffusion sur CTV. Mentionnons que Cardinal a été présenté simultanément en version française à super écran. Les États-Unis démontrent maintenant un intérêt particulier pour la mini-série canadienne, alors que le service de vidéo sur demande a décidé de le rendre disponible à ses abonnés dès le mois prochain. La série Cardinal s'amorce sur la découverte du corps mutilé de Katie Pine, une jeune fille de 13 ans portée disparue. Les détectives John Cardinal et Lise Delorme tenteront d'élucider le mystère qui entoure le décès de cette jeune fille. Mais alors même que l'affaire prend de plus en plus d'ampleur et sombre dans l'horreur, un terrible secret surgit du passé de John Cardinal et menace de faire dérailler l'enquête. C'est Karine Vallas et Billy Campbell qui incarnent les deux protagonistes. Et c'est le cinéaste québécois Pod qui réalise la série. La première saison de Cardinal est présentement diffusée en France sur Canal+. Elle sera bientôt offerte en Grande-Bretagne sur la BBC. Donc ça fonctionne super bien pour Cardinal. Les archives de CBC vont être numérisées et complètement mises à l'épreuve du futur. On va réussir à emmagasiner presque 1 million de choses. Donc c'est la CBC, la Canadian Broadcasting Corporation, qui essaie de se protéger contre les effets de l'âge, du vieillissement. Le diffuseur public canadien a annoncé dans un communiqué de presse qu'il prévoit numériser sa collection numérique de trucs physiques en trucs numériques. Donc la CBC va archiver numériquement 720 000, je dis des trucs, des articles, je pense que je pourrais dire des articles audio et vidéo, donc 720 000 de ça, alors que Radio-Canada va faire la même chose pour 650 000 audio, vidéo et films. On a aussi 20 nouvelles positions qui vont être créées chez Radio-Canada pour pouvoir faire la numérisation de tout ça. On va aux États-Unis. FXX annonce une série animée avec Donald et Steven Glover. Hein, Deadpool, ceux qui aiment Deadpool vont aimer ça. Wade Wilson et sa subtilité poétique vont revenir sur la chaîne américaine FXX dans une série animée, produite, écrite et réalisée par Donald Glover et Steven Glover, qui avait déjà su séduire Steven avec Atlanta. Donc non seulement on est heureux de savoir qu'on va pouvoir retrouver Deadpool sur le petit écran, mais en plus la liberté de ton de la chaîne FXX nous assure une série non censurée et que les scénaristes vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Année à réussite pour Donald Glover, entre ça et son rôle de Lando dans le prochain spin-off sur la jeunesse de Han Solo qui sortira aux États-Unis le 25 mai, on parle de Star Wars dans ce cas-ci. La série n'est pas prévue pour sortir avant l'année prochaine, donc patience pour Deadpool. Dans le même domaine, Judge Dredd va avoir sa propre émission avec des humains, donc live action comme on l'appelle. Les chances que Judge Dredd retourne au grand écran sont plutôt minces, mais le populaire personnage va être de retour dans un médium différent. C'est Entertainment Weekly qui nous dit que le personnage va être la vedette de nouvelle série live action, un drame d'ensemble nommé Judge Dredd Mega City One. L'émission est en cours de préliminaire de développement, je dirais. Les acteurs et le reste vont être annoncés plus tard. Ce qu'on sait, c'est que IM Global et le studio de jeux vidéo Rebellion sont en équipe pour travailler là-dessus. Les gens qui ont aidé à développer Battlestar Galactica, Helix et le film Dredd mettant en vedette, mais de Carl Urban de 2012. Donc c'est les mêmes gens qui travaillent là-dessus. Un peu comme les bandes dessinées où Dredd a fait ses débuts, l'émission va se passer dans une mégalopole futuriste qui est remplie de crimes. Ça va être un de plusieurs juges au centre de l'émission, Judge Dredd, des officiers de police en fait qui jouent le rôle de juge, jury et bourreau. Voilà, donc l'émission de police futuriste mettant en vedette Judge Dredd. C'est un article traduit très mal par moi de IO9. Ensuite, 5 projets de prequels en développement pour Game of Thrones. On en parlait la semaine passée, on se demandait si ça allait être des prequels, des suites, des dérivés, comment. Donc on a plus de détails. 5 auteurs travaillent à autant de scénarios qui doivent servir de base à une série dérivée de Game of Thrones, Trône de Fer, la saga télévisée fantastico-médiévale, a indiqué l'écrivain George R.R. Martin, créateur de l'univers. Monsieur Martin a expliqué que tous les scénarios se situeront avant le début, donc de Game of Thrones, et que certains pourraient même même se dérouler dans un autre lieu que Westeros, le monde imaginaire théâtre du récit originel. Parmi les auteurs actuellement à pied d'œuvre figure Brian Helgeland, Oscar du meilleur scénario en 1998 pour LA Confidential. Et donc, le reste, on n'a pas voulu dévoiler d'éléments de contenu dans les scénarios en cours d'écriture. On a précisé par contre qu'ils n'étaient pas directement liés à ses propres romans de George R. Martin, situés chronologiquement avant le début de Game of Thrones, notamment le recueil de nouvelles Tales of Dunk and Egg. Les deux créateurs de la série, David Benioff et D.B. Weiss, ont déjà indiqué à plusieurs reprises que la fin de la série Game of Thrones était proche, évoquant deux saisons supplémentaires, soit 8 au total. La chaîne HBO qui diffuse la série a annoncé que le premier épisode de la 7e saison serait diffusé le 16 juillet prochain. La diffusion du 10e et dernier volet de la 6e saison a permis à HBO d'enregistrer un record d'audience pour la série qui a constamment amélioré ses chiffres depuis ses débuts en 2011. La 6e saison avait valeur de test car elle était la première ne s'appuyant pas directement sur les écrits de R.R. Martin qui a pris du retard dans la livraison du 6e tome de sa saga. Dans un message sur son blog, il a indiqué n'avoir pas encore achevé cet ouvrage très attendu intitulé « The Winds of Winter » et n'a pas donné encore d'échéance. Ensuite, un cascadeur de la série Hawaii Five-O poursuit CBS et plusieurs autres après avoir été frappé par une voiture pendant qu'il filmait l'émission. Un cascadeur pour le personnage de Steve McGarrett, joué par Alex O'Loughlin dans la série Hawaii Five-O, poursuit CBS Corporation, CBS Studios et plusieurs compagnies de production pour un accident qui a eu lieu sur plateau. Sur le plateau, il a été frappé par une voiture. Parmi les allégations est que le personnel qui devait s'occuper de la responsabilité et de la sécurité était sous l'influence d'antidouleurs au moment de l'accident. Donc la personne qui s'occupait de la sécurité était sur des antidouleurs. Justin Sundquist double le personnage de Bucky Barnes, joué par Sebastian Stan dans Captain America Civil War. Il a aussi fait d'autres cascades pour d'autres films, dont The Fate of the Furious et Kong Skull Island. En juillet, il filmait une scène pour Five-O. Il faisait le cascadeur donc de Alex O'Loughlin. Donc on a essayé d'attraper un homme qui était, dans un stationnement, quelque chose, pas besoin des détails, hein, finalement. CBS n'a pas répondu aux demandes de deadline pour des commentaires. On dit qu'il y a eu une série de négligences causées ou qui ont contribué à cet accident-là, entre autres un plateau où les choses se passaient vraiment vite, manque de réunions de sécurité, d'instructions claires, ne pas avoir parlé non plus de la substance contrôlée, de l'abus de substance, voilà. Donc, on va suivre le dossier s'il y a quelque chose qui se passe là-dessus. Il est représenté par David D. Robertis et Alyssa Shablowski de la firme D. Robertis Law Firm APC à Studio City. Voilà. La poursuite dit qu'un courriel avait été envoyé à plusieurs exécutifs pour Hawaii Five-O environ 18 mois avant l'accident, disant qu'il y avait des problèmes de sécurité. Et on a laissé ça pareil. Il n'y a pas eu de changement là-dessus. Ensuite, un nouveau spin-off pour le Lego Movie, le célèbre film de Lego pour Cartoon Network, mais il n'y aura pas de Lego là-dedans, ça va être plutôt Unikitty, qui a été une des plus grandes vedettes du film Lego Movie en 2014. Lego a donc fait du personnage un focus pour le marketing, donc c'est un petit chat licorne si on veut, donc il y a eu plusieurs jouets bibelots, peu importe, figurines, il y en a plusieurs à travers le temps. Beaucoup de cosplay, beaucoup de fan art, donc un peu comme Lego Batman qui va avoir son propre spin-off. Maintenant, Unikitty va avoir son propre spin-off sur Cartoon Network et ça sera nommé tout simplement Unikitty. La voix de Tara Strong qu'on connaît pour Teen Titans Go, qui va remplacer Alison Brie, qui était la vedette du film dans le rôle de Unikitty. Elle est très occupée, elle fait d'autres choses. Alison Brie est une vedette de la télé. Tara Strong est une vedette des dessins animés. Elle, c'est une doubleuse, c'est ce qu'elle fait de sa vie. Il y a aussi son petit frère et son meilleur ami Popcorn, son garde du corps Crocodile et le scientifique Dr. Fox qui vont avoir un rôle dans la série, un rôle à jouer. Donc voilà, Unikitty qui s'en vient plus tard. Plusieurs membres de l'équipe de production de Lego Movie et de Lego Batman vont servir dans le poste de producteur exécutif, entre autres Christopher Miller et Phil Lord. À l'émission, on va aussi partager un producteur exécutif et un producteur à la supervision avec l'émission Teen Titans Go, d'où la participation de Tara Strong. Et ça explique aussi le style visuel de l'émission, très différent de ce qu'on avait dans Lego Movie, mais c'est vraiment cool, super beau, très très enfantin, très japonais, je dirais. Donc allez voir la photo sur assemblagerequis.com. Ensuite, toujours aux États-Unis, le talk show de Andy Cohen, Watch What Happens Live, va avoir une version en syndication, donc sur les stations locales pendant l'été. NBC Universal essaie de rendre l'émission encore plus populaire. C'est une émission qui est diffusée sur Bravo en ce moment, Watch What Happens Live avec Andy Cohen, qui va être testée sur les chaînes de Fox et de Sinclair aux États-Unis. Donc la série qui est des émissions d'une demi-heure, diffusée du dimanche au jeudi à 23h sur Bravo aux États-Unis. Cherchez-le pas sur Bravo au Canada, c'est pas la même chose du tout. Donc va être testée, ça va être un mélange de cases horaires. Donc des fois, certaines stations vont le diffuser en fin de soirée, d'autres en début de soirée, d'autres le jour entre le 26 juin et le 21 juillet. C'est NBC Universal Domestic Television qui est distributeur de ça. On ne sait pas encore quels marchés vont être testés. C'est un effort donc pour augmenter le profil de Watch What Happens Live. L'émission a déménagé dans un plus grand studio au début de l'année. Bravo a aussi eu un nouveau contrat avec Andy Cohen et on a ajouté son nom formellement au titre de l'émission. Avant, c'était simplement Watch What Happens Live. Maintenant, il y a With Andy Cohen. De toute façon, Andy Cohen est vraiment une vedette montante dans la télé américaine, donc ça ne me surprend pas du tout qu'on essaie de capitaliser là-dessus. C'est sur Bravo depuis 2009. Ça a commencé comme une série de spéciaux après des épisodes de Real Housewives. Cohen, qui est créateur de ces séries-là, exécutif au développement chez Bravo. Donc, c'est lui qui a mis ces émissions-là sur la map. D'ailleurs, cet été, il va avoir un autre rôle en tant qu'animateur du jeu télévisé Love Connection. C'est une émission de dating. Ça commence le 25 mai sur Fox. Il y a aussi sa propre station de radio Radio Andy sur Sirius XM. Il a écrit plusieurs livres aussi. Donc, Watch What Happens Live with Andy Cohen, qui est de Embassy Row. Michael Davies, Deirdre Connolly et Cohen sont producteurs exécutifs. Ensuite, est-ce qu'on pourrait avoir un retour éventuel de How I Met Your Mother? Ça vient juste de terminer. Encore une fois, on ramène des choses qui... C'est comme American Idol. On n'a même pas attendu quelques années pour que ça revienne. Donc, le boss de 20th Century Fox aimerait que ça ait lieu. Depuis la fin de How I Met Your Mother en 2014 sur CBS, les producteurs 20th Century Fox TV cherchent une façon de lancer un dérivé avec le point de vue d'une femme. On se rappelle que ça avait floppé pas mal. En fait, ça n'avait jamais eu lieu. On n'avait jamais diffusé cette émission-là. Donc, on essaie de ramener l'émission en tant que tel à la place. C'est Dana Walden, chère de 20th TV, qui a dit que c'était une des plus grandes comédies de la bibliothèque du studio. On aimerait avoir une petite réunion. Ce sera une question logistique difficile. Les créateurs Carter Bays et Craig Thomas se sont signés avec Sony TV et les membres de la distribution font plein d'autres choses en ce moment. Josh Radner est sur un nouveau pilote pour NBC qui s'appelle Rise. Mais bon, évidemment, comme la série Will & Grace, le retour de Will & Grace l'a prouvé. Les gens peuvent revenir quand même, c'est jamais impossible. Même chose pour Roseanne, il y a plein de gens qui sont occupés à d'autres choses là-dedans et qui vont quand même participer à Roseanne. Donc le spin-off, le studio aimait vraiment la prémisse de l'émission. Ils ont revisité l'idée, mais Carter Bays et Craig Thomas sont déménagés chez Sony. Et plutôt cette saison-ci, une nouvelle version nommée How I Met Your Father avait été écrite par un des producteurs co-exécutifs de This Is Us, Isaac Apteker et Elizabeth Berger. Le projet a été tabletté, est-ce que c'est ça qu'on dit? Quand le studio a été élevé au poste de producteur exécutif et co-showrunner pour This Is Us saison 2, donc ils ont arrêté de travailler sur ce dérivé. Ensuite, on va à l'international un petit peu avec Osmosis, une deuxième série originale française chez Netflix. Netflix, donc le leader mondial du streaming, continue d'investir dans les contenus européens et français et annonce le lancement de la série Osmosis, une série en 8 épisodes qui sera exclusivement accessible à ses membres à travers le monde. Petite prémisse, Paris dans un futur proche. La technologie a repoussé les frontières de l'imaginable en déchiffrant le code du véritable amour. Grâce aux données de ses utilisateurs obtenues via des micro-robots implantés dans leur cerveau, la nouvelle application Osmosis garantit avec certitude de trouver le partenaire idéal et transforme le rêve ultime de trouver l'âme sœur en réalité. Mais y a-t-il un prix à payer lorsqu'on laisse un algorithme choisir l'homme ou la femme de notre vie? Quand en échange de cet amour éternel, la technologie peut accéder aux recoins les plus intimes de notre esprit et à nos souvenirs les plus secrets. Créé par Audrey Fouché, des Revenants et Borgia, et produit par Aude Albano et Claude Shelley de Versailles, Osmosis est une série d'anticipation à suspense qui traite de l'ultime frontière atteinte par la technologie qui est l'amour. Aude Albano, productrice de la série, affirme qu'en nous confiant la production d'Osmosis, Netflix nous offre la formidable opportunité d'explorer un genre encore assez rare en France. C'est une science-fiction réaliste qui s'intéressera à une question universelle au cœur des préoccupations humaines, c'est-à-dire l'amour parfait existe-t-il et à quel prix? Voilà. Et pour terminer, Netflix va adapter The Witcher en une télésérie. La série de romans The Witcher, célèbre pour son adaptation en jeu vidéo, prendra bientôt la forme d'une télésérie développée et produite par Netflix. Ce sera pas au cinéma, mais plutôt à la télé qu'on pourra voir prochainement les aventures de Geralt de Rive, protagoniste des romans de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski. C'est en effet ce qu'a confirmé Platige Images, studio polonais spécialisé en effets spéciaux, dont les cinéastes Tomek Baginski de The Cathedral et Jerzy Salko, cofondateur du studio, seront impliqués dans le projet. Platige Images est d'ailleurs responsable pour les cinématiques d'ouverture des jeux de The Witcher, donc ça va ressembler pas mal à ce qu'on connaît déjà. Pour sa part, Sapkowski a confirmé qu'il allait participer à la série à titre de consultant créatif, alors que les médias ont précédemment rapporté que l'univers des romans de Sapkowski allait être porté au grand écran. Le projet a été annulé en faveur d'une télésérie. Sean Daniel, qu'on connaît de The Mummy et The Expanse, mandaté pour être producteur exécutif du film, conservera ce rôle pour la télé aux côtés de Jason Brown, qu'on connaît pour aussi The Expanse. On ignore pour le moment s'il s'agit d'une production d'animation ou si les personnages en vedette seront bel et bien incarnés par de véritables acteurs. Chose certaine, le communiqué précise que cette adaptation sera produite dans la langue de Shakespeare, donc en anglais. Voilà. Et finalement, des vidéos de relaxation. Le nouveau niveau est atteint pour la Slow TV, vous savez, la télé lente. Creators avait une entrevue récemment avec Simon Barsky, qui mène une nouvelle plateforme en ligne nommée Moulika, moodica.com, une bibliothèque gratuite de vidéos créées pour relaxer, se déstresser et calmer les téléspectateurs. Si vous sentez stressé, ça va être parfait pour vous. Selon les commentaires de Barksy, voilà, elle décrit la plateforme comme une vacance mentale. Voilà, on pourrait voir entre autres des chats qui ronronnent en boucle, une paire de mains qui sont en train de faire des sushis. Tu pourrais avoir une grande roue dans une foire qui se promène comme ça dans le ciel. Donc, vous pouvez avoir ça sur moodica.ca. Ça nous rappelle la Slow TV. Ça nous rappelle aussi le ASMR, qui est, tu sais, quand il y a une personne, souvent une fille sur YouTube, qui chuchote des mots à l'oreille, et puis ça te donne des genres de sensations, puis des poils qui te lèvent dans le dos, puis des frissons. Donc, c'est un peu le même genre de choses. C'est similaire à ça. Moodica.com pour votre vacances mentales. Voilà, c'est tout pour Television Television, un méga bloc, hein, en cet avant-goût, si on veut, de l'automne 2017 et de l'hiver 2018. Avant de continuer avec Merci Science, on écoute Yours Me avec Agartha en chiptune, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. The Flight Away, avec la pièce Don't Say sur leur album Goodbye EP. C'est un maxi qui date du mois de novembre. Malheureusement, c'était leur dernier, donc ils ont fait un petit EP pour s'en aller. The Flight Away, vraiment super bon. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister, science, médecine et tout ce qui a rapport avec ça. Et commençons avec un miroir interactif qui bouleverse la rééducation. Dans le miroir, le patient en rééducation ne voit pas seulement comment il est, mais aussi comment il progresse. Imaginé par une étudiante de l'école e-Artsup, et récompensé au concours Lépine, le miroir Évidence se révèle à l'usage grâce à un prototype totalement fonctionnel, un puissant outil de soutien psychologique, une idée simple, mais qui n'était pas si facile à réaliser. Au concours Lépine 2017, la médaille d'argent en catégorie santé est allée à un miroir. Il s'appelle Évidence et inaugure une réelle avancée pour la rééducation des personnes qui ont brutalement perdu une grosse partie de leur mobilité. Son inventeur est une étudiante à e-Artsup Paris. Donc avec Adrien Albertini et Julien Trébert de l'école Epitech pour la partie informatique et électronique et avec une psychologue, Laetitia Devalois, elle a mis au point ce miroir connecté baptisé Évidence. Il renvoie l'image de la personne à laquelle viennent s'ajouter des points et des lignes soulignant les ondes du corps qui ont été rééduquées. Ce miroir un peu magique est un outil de soutien pour la rééducation géré par le patient et par le médecin, lequel positionne les points et les lignes. Donc l'idée de cet outil original est venue de l'idée d'aider un proche sorti hémiplégique d'un AVC. C'est le constat de sa difficulté à mesurer le chemin parcouru dans sa rééducation qui l'a amené à imaginer pour son projet de fin d'études cette sorte d'enregistrement des progrès. Il faut non seulement les conscientiser mais aussi les voir, explique-t-elle. Le milieu médical réagit déjà en disant que, bon, dans le fond, elle a été contactée plusieurs fois, le sentiment que l'idée est pertinente. L'objectif désormais est de monter une équipe autour de ce projet et de donner le maximum de visibilité à son invention. Voilà. Ensuite, bientôt, la fin de la calvitie et des cheveux blancs. En vieillissant, beaucoup de personnes voient avec regret leurs cheveux devenir blancs ou tomber. Chez la souris, les chercheurs ont découvert un mécanisme impliqué dans ce phénomène, ouvrant l'espoir de trouver de nouvelles solutions cosmétiques. Le poil ou le cheveu est un tissu kératinisé qui naît de cellules du follicule pileux situé à sa base dans le bulbe. Mais comment ces cellules souches de la peau deviennent-elles celles à l'origine d'un poil ou d'un cheveu? Dans un article paru dans la revue Genes and Development, des chercheurs ont découvert un peu par hasard ces cellules progénitrices du cheveu ou du poil. L'équipe étudiait un trouble génétique rare dans lequel des tumeurs se développent sur des nerfs, la neurofibromatose de type 1. Cette maladie neurocutanée se caractérise par la présence de taches café au lait et de neurofibromes, des tumeurs bénignes des nerfs. Comme l'explique le chercheur Louli dans un communiqué de l'Université du Texas Southwestern Medical Center, je cite, « Bien que ce projet ait été commencé dans un effort pour comprendre comment certains types de tumeurs se forment, nous avons fini par apprendre pourquoi les cheveux deviennent gris et découvert l'identité de la cellule qui donne directement naissance aux cheveux. » Dans les follicules pileux de la souris, l'équipe a trouvé qu'une protéine appelée CROX20 favorise la croissance du cheveu. Aussi connue sous le nom de EGR2, elle joue un rôle important dans le développement du système nerveux. C'est un facteur de transcription qui contrôle la myélinisation des cellules de Schwann, un processus qui fabrique la gaine de myéline autour des axones des neurones. Mais CROX20 est aussi exprimé dans certaines cellules du follicule pileux. Les chercheurs ont montré que les cellules progénitrices du bulbe se différencient à partir de cellules épithéliales en exprimant CROX20. Son absence se traduit par l'arrêt de la croissance du poil. La souris n'en a pas. CROX20 conduit les cellules à produire une autre protéine appelée Stem Cell Factor, SCF, un facteur qui s'associe au récepteur KIT. SCF est un facteur de croissance impliqué dans le maintien des cellules souches hématopoïétiques, et des mélanocytes. Avec son récepteur KIT, le facteur SCF joue un rôle dans la pigmentation du poil. Tous les animaux sans KIT et sans SCF ne sont pas pigmentés. En présence de protéines SCF et CROX20, la cellule progénitrice interagit avec les mélanocytes du follicule. Le poil grandit et est pigmenté, mais si l'une ou l'autre des deux protéines manque, le processus ne fonctionne pas. Pour l'instant, cette recherche a été menée uniquement chez la souris et devra être étendue chez l'homme pour savoir si les mécanismes sont les mêmes. Ces résultats pourraient aboutir à de nouveaux traitements contre la calvitie ou les cheveux blancs. Maintenant, des cellules du pancréas implantées dans les intestins. Le diabète, une maladie qui fait que votre corps n'assimile plus le sucre de type 1 ou de type 2, vient généralement avec son lot de traitements plus ou moins lourds, généralement à vie, puisque la médecine n'a pas encore trouvé de réelle cure. On peut vivre avec le diabète, mais malheureusement, on n'en guérit pas encore. Mais selon certaines études cliniques très récentes, il semblerait que les chercheurs aient de bons espoirs de trouver une véritable cure pour cette maladie. ça impliquerait de greffer des cellules du pancréas dans le péritoine, la membrane qui recouvre les intestins. Ce n'est certes pas la première fois que les chercheurs pensent avoir trouvé un remède au diabète, mais ce qui semble être rendre cette étude différente, c'est son résultat à long terme en termes de gestion de l'insuline. A priori, ce traitement permettrait aux diabétiques d'être beaucoup moins dépendants des doses d'insuline quotidiennes, un allègement du traitement et possiblement une meilleure qualité de vie. Cette greffe ne requiert qu'une opération relativement peu invasive. Magnifique. Ensuite, un exosquelette qui devrait réduire les risques de chute chez les seniors. Des chercheurs suisses et italiens travaillent à un exosquelette capable de détecter les pertes d'équilibre pour empêcher les chutes. Les chutes sont la deuxième cause de décès accidentels dans le monde, en particulier chez les plus de 65 ans, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Pour éviter ces accidents, l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et la Scuola Sant'Anna en Italie sont en train de développer un exosquelette destiné aux seniors. Cet appareil personnalisable, il suffit de quelques tours de vis pour l'adapter à chaque utilisateur. Et intelligent, en plus, est capable de détecter et de déjouer les pertes d'équilibre. Composé d'armatures en fibre de carbone et de moteurs placés au niveau des hanches, il se porte un peu comme un pantalon, indiquent les chercheurs, et ne pèse que 5 kg. Cela peut sembler lourd pour des personnes âgées, mais c'est en fait assez léger si on compare cet appareil au premier exosquelette français Hercule, qui pesait 30 kg, ou à Mina 2, qui aide des paraplégiques à remarcher, qui affiche 32 kg. Son fonctionnement est simple, entre guillemets. L'exosquelette détecte d'abord les particularités de la marche de l'utilisateur grâce à plusieurs capteurs. Une fois ces données intégrées, l'algorithme du système est capable de détecter une déviation dans les 350 millisecondes où elle se produit. C'est rapide, rapide. Ce qui indique un déséquilibre. Les moteurs placés sur les hanches entrent alors en jeu pour pousser sur les cuisses afin de tendre la jambe et ainsi rétablir l'équilibre. Pour l'instant, l'appareil n'a été testé qu'en laboratoire sur un tapis roulant spécialement conçu pour provoquer des pertes d'équilibre et engendrer des chutes, mais il a rempli sa mission. La prochaine phase de développement sera d'assurer que le système soit le moins gênant possible et n'entrave pas les mouvements normaux, surtout lorsque l'utilisateur n'est pas sur le point de tomber. L'équipe cherche désormais à adapter l'exosquelette au monde extérieur en le rendant plus discret et plus confortable, ainsi qu'à le tester en situation réelle. Ensuite, le HoloLens sera plus sûr, rendra plus sûr, oui, la chirurgie du dos. On reste chez les problèmes de corps. Destiné principalement au marché des professionnels, le casque de réalité augmentée de Microsoft s'enrichit d'une nouvelle application dans le domaine de la chirurgie du dos. La société Scopis, spécialiste des applications de réalité virtuelle dans le domaine médical, promet des opérations de la colonne vertébrale plus sûres, plus rapides et plus précises. Les déclinaisons sont d'ores et déjà envisagées dans les domaines de la neurochirurgie et de la chirurgie digestive. Un casque Microsoft HoloLens sur les yeux, le chirurgien se penche sur son patient. Celui-ci, profondément endormi, doit se faire poser des implants sur les disques vertébraux. D'un simple geste de la main, le chirurgien ouvre dans son champ de vision un moniteur virtuel qui lui offre instantanément une modélisation en 3D de la zone d'intervention. Voici résumé la démonstration plutôt impressionnante des performances offertes par la plateforme de navigation holographique développée par l'allemand Scopis. Dans une vidéo sur assemblagerequis.com, on constate que le travail du chirurgien est considérablement facilité. La 3D augmente la précision du geste, permet au chirurgien d'être guidé en temps réel par l'imagerie sans quitter les yeux son patient. La durée d'intervention est considérablement réduite. L'industrie, l'armée et la médecine ont toujours recours depuis longtemps à l'imagerie 3D, mais le développement des casques de réalité augmentée, aussi perfectible soit-il, offre des perspectives nouvelles au corps médical. Dans la vidéo, on constate tout de même que Scopis ne fonde pas toute sa technologie sur les détecteurs de mouvement de l'HoloLens. Le tour de tête est bardé de capteurs qui accroissent sensiblement la précision du casque. Scopis revendique d'avoir convaincu plus de 10 000 chirurgiens dans le monde d'exploiter ses applications en réalité augmentée dans plus de 50 pays. La compagnie imagine déjà des déclinaisons possibles de la réalité augmentée dans d'autres spécialités, comme la neurochirurgie. L'environnement virtuel permettra par exemple d'améliorer la localisation d'une tumeur cérébrale. Des souris stériles chez qui un ovaire imprimé en 3D a été implanté ont donné naissance à des bébés souris en bonne santé, une première étape avant de fabriquer des ovaires artificiels pour des patientes souffrant d'infertilité. L'impression 3D fait des prouesses, certains s'en sont servis pour imprimer des oreilles, des os, des muscles, du cartilage, et voilà que les scientifiques proposent maintenant de traiter des cas d'infertilité en imprimant un ovaire artificiel. L'expérience a été réussie chez la souris, évidemment. Dans la revue Nature Communications, les scientifiques de l'Université Northwestern à Chicago décrivent comment ils ont imprimé de surprenants implants grâce à une encre gélatineuse. Les matrices poreuses ainsi obtenues devaient servir de support pour les follicules ovariens. Les micropores de la matrice fournissent un espace qui peut être rempli vers un follicule. La taille et la localisation des trous ont été pensés pour contenir des dizaines de follicules et permettant aux vaisseaux sanguins de se connecter aux implants. Les souris ont été ovarictomisées.

températures ne sont pas trop élevées et que la thermorégulation a un sens. 45% des réponses durant la saison froide contre 24% pour l'été. Cette fois, accompagné de collègues de l'Université de Vienne, Andrew Gallup a voulu vérifier le troisième point fondamental de son hypothèse en reproduisant le protocole établi en 2011, mais dans la capitale autrichienne, au climat tout à fait différent. Les auteurs sont donc allés rencontrer 120 piétons qui se promenaient dans la ville impériale, la première moitié entre décembre et mars avec une température moyenne de 1 degré Celsius et la seconde de juin à octobre avec une température moyenne de 19 degrés Celsius, toujours entre 13h et 15h, afin de s'assurer que la luminosité ne viendrait pas fausser les résultats. D'autres paramètres ont été mesurés comme l'humidité de l'air, le temps de sommeil des participants afin de les confronter pour évaluer l'impact de chacun. Lors de chaque rencontre, les scientifiques proposaient aux volontaires de jeter un œil à 18 photos de bailleurs pour voir leurs réponses. En tout, 36 des 120 participants n'ont pu réfréner leur bâillement. Pour l'essentiel d'entre eux, des gens croisés durant l'été, 25. La température ambiante constitue le seul facteur responsable de ce constat, des résultats donc attendus par Andrew Gallup. En effet, en combinant les deux études, il parvient à démontrer qu'il existe, selon lui, une fenêtre thermique du bâillement matérialisée par une courbe en cloche. Pour les températures trop basses ou trop élevées, ce processus physiologique réflexe est peu fréquent, tandis qu'il se généralise lorsque l'air ambiant est doux, aux alentours donc de 20 degrés Celsius. De nouveaux arguments viennent donc étayer cette théorie qui, en soi, n'est pas complètement novatrice. Hippocrate, le célèbre médecin de l'Antiquité grecque, imaginait déjà le bâillement comme une façon d'évacuer la fièvre et la surchauffe. Désormais, l'idée est légèrement différente, mais Andrew Gallup pense malgré tout que c'est une façon de réguler la température corporelle et d'éviter que le cerveau n'entre en ébullition. Son point de vue ne fait pas l'unanimité et des études contradictoires ont même été publiées, comme ce travail mené par le chercheur finlandais Hannu Elo dans Sleep Medicine. Il montre que le bâillement ne s'accompagne pas d'une baisse significative de la température, donc c'est assez difficile de s'y retrouver. Maintenant, une prothèse de main capable de distinguer les objets. Des chercheurs de l'Université britannique de Newcastle sont parvenus à développer une prothèse de main capable de voir les objets et de les identifier pour optimiser leur prise en main. Une technologie à la fois révolutionnaire et pas trop chère. Guidée par une intelligence artificielle, c'est une main intelligente et déjà capable de distinguer 500 objets de la vie courante. Les dernières années en matière de prothèses de main permettent déjà aux personnes amputées d'activer le membre de manière naturelle par contraction musculaire, mais les prothèses bioélectriques butent toujours sur un écueil, la sensibilité. Les chercheurs en biomécanique de l'Université de Newcastle ont peut-être trouvé un palliatif enfin efficace, c'est-à-dire offrir la vue à la prothèse. En surmontant une prothèse d'une simple webcam Logitech, l'équipe du docteur Kianush Nazarpour a réalisé des progrès inédits dans la reproduction de gestes de préhension naturelle. La prouesse consiste à coupler la caméra à une intelligence artificielle. Ainsi dotée du sens de la vue, ou plus exactement d'une technologie de computer vision, l'intelligence artificielle a appris grâce au deep learning à reconnaître 500 objets usuels. Quand l'usager approche la prothèse d'un objet, la caméra prend une photo que l'intelligence artificielle interprète instantanément. La main adopte alors la meilleure position pour saisir l'objet, une pince à deux doigts pour un stylo, une prise verticale pour une bouteille, etc. L'usager n'a plus qu'à contracter le muscle pour confirmer l'action. Hein? Avec un peu de pratique, une personne équipée de cette prothèse retrouve un usage presque normal de sa main. L'apprentissage est considérablement facilité, la main intelligente étant plus capable de s'adapter à son environnement en apprenant à saisir de nouveaux objets. Le système a, qui plus est, le bon goût d'être très peu cher et d'être adaptable à de nombreuses prothèses du marché. Le réseau neural de l'intelligence artificielle n'atteint pas encore un taux de reconnaissance de 100%, mais la personne amputée conserve la possibilité de reprendre un contrôle manuel de sa prothèse. L'équipe de Newcastle travaille sur la prochaine étape, intégrer les capteurs de pression et de température, rapprochant les membres artificiels un peu plus des performances encore inégalées d'une main organique. Wow! Ensuite, un scientifique chinois se fait passer 71 000 volts dans le corps, survit et témoigne des limites humaines. Évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous. Liu Shangxi, scientifique en ingénierie à Pékin, et il a décidé de repousser les limites du corps humain d'une façon tout à fait concrète et originale. Il a testé le procédé de la décharge électrique sur lui-même en faisant passer 71 000 volts dans son corps. L'homme est reconnu comme un spécialiste et a pour lui une cinquantaine d'années à rouler sa bille dans la recherche dans le domaine de l'électricité statique et la sécurité, dans le but d'en savoir plus sur les décharges électriques et de mieux protéger, voire soigner, les personnes victimes de chocs électriques. Normalement, il est reconnu que 50 000 volts sont la limite que peut endurer le corps humain en termes de décharge électrique. Son assistant a donc demandé 20 000 volts pour commencer et a progressivement augmenté la charge jusqu'à 71 000 volts. Pour se donner une idée, une clôture électrique pour les chevaux décharge minimum 4 000 volts. Hein? Si vous êtes déjà frotté à ça, pas moi, c'est pas mon cas. Ce n'est pas une première pour le scientifique qui avait déjà mis son corps au service de la science et de la recherche, notamment sur les cellules sanguines. je cite, « Sur mon chemin pour comprendre l'électricité statique, pas une seule seconde, je n'ai songé à abandonner. » Ensuite, un jeune Russe qui s'est fait implanter une boussole numérique dans la poitrine. Daniil Litkin, 26 ans, vit à Novosibirsk, en Russie. Le jeune développeur a récemment fait l'actualité locale pour s'être fait implanter dans la poitrine d'un appareil très similaire à une boussole numérique baptisée NorthSense. Celui-ci vibre chaque fois que son porteur se tourne vers le nord. Le jeune homme raconte avoir découvert NorthSense alors que le projet était encore en développement chez la société britannique Cyborg Nest. Immédiatement séduit par l'idée, il précommandait l'appareil pour $250 US. Et il y a quelques jours, il est devenu le premier Russe et l'un des premiers dans le monde à se le faire implanter. Le NorthSense offre la capacité de ressentir le champ magnétique de la planète. Savoir où se trouve le Nord a toujours été une grande importance pour lui, comme dans le Feng Shui, les religions, le yoga, entre autres. Les Amérindiens, bien davantage dans notre histoire, ont trouvé ça important aussi. Il est question ici de percevoir votre orientation physique, de percevoir le champ magnétique de la planète et pas seulement d'en être conscient, dit-il. Daniil Litkin admet que ce n'est pas sa fonctionnalité, la fonctionnalité elle-même qu'il a décidé à se faire implanter l'appareil, mais l'idée d'améliorer ses sens avec la technologie. Il dit qu'il trouvait ça vraiment cool. L'idée est associée à des concepts comme le transhumanisme et les cyborgs. L'aspect pratique de la navigation ne m'intéressait pas vraiment, dit-il, mais j'ai toujours été fasciné par l'idée d'améliorer nos capacités naturelles. Des appareils comme celui-ci permettent à une personne d'expérimenter une fraction du monde qui l'entoure. NorthSense peut résister à l'eau grâce à son étui en silicone et sa batterie intégrée lui confère une autonomie d'un jour ou deux. Il n'y a qu'à détacher le tout pour recharger. L'intensité des vibrations, quant à elle, peut être ajustée via une application dédiée. Les deux cofondateurs du projet, Liviu Babitz et Scott Cohen, se sont fait implanter l'appareil en 2016, qui est disponible à cet appareil-là depuis février 2017. Victor Perez Rull du Mexique a été opéré en avril dernier pour recevoir le cyborg, le NorthSense, voilà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter le vôtre pour $425 US sur cyborgnest.net. Et pour terminer, la tristesse et la mauvaise humeur ont aussi leur bon côté. Mémoire, motivation, vie en société, la tristesse et la mauvaise humeur apporteraient aussi certains bénéfices, nous dit Futura Santé. Elles ne sont pas forcément signes d'une dépression et peuvent aider l'individu à se construire et à affronter les défis du quotidien. Souvent, la tristesse est considérée comme un problème dans notre société, envahie par le culte du bonheur qui s'affiche dans les publicités et les magazines. Malgré ces injonctions, les sociétés occidentales n'apparaissent pas forcément plus heureuses. Or, la tristesse fait partie des sentiments qu'il est normal d'expérimenter dans sa vie. Pour Joseph Forge, hein, professeur de psychologie à l'Université de Sydney, qui rédige une tribune dans The Conversation, il est temps de redonner une importance aux émotions négatives. Ces sentiments doivent être considérés comme normaux et utiles, car ils sont un moyen pour que l'individu s'adapte à son environnement. La tristesse, la colère sont des sentiments très présents dans l'art. Les tragédies grecques ou shakespeariennes en s'en font et l'écho. Idem en musique, les thèmes tristes ont été développés par de grands compositeurs comme Beethoven, Chopin et d'autres. En 2014, il a même été montré que la musique triste peut apporter du bien-être. Les sentiments négatifs peuvent aussi stimuler la création artistique. Certes, une tristesse intense et qui dure dans le temps devient pathologique et si elle s'inscrit dans le cadre d'une dépression, elle doit être soignée. Mais une mauvaise humeur temporaire et légère n'a rien de grave. Les émotions négatives sont des signaux d'alarme inconscients et automatiques qui nous aident à nous concentrer sur les situations difficiles au lieu de les ignorer. Elles sont aussi des signes qui jouent un rôle important dans notre vie sociale. Les personnes qui expriment leur tristesse attirent l'empathie. La compréhension de leur entourage qui pourra leur venir en aide. Différentes études ont montré les bénéfices des émotions négatives. Dans des expériences, il est possible d'agir sur l'humeur des participants, par exemple en leur montrant des films gays ou tristes, puis d'évaluer leur changement de comportement. Des travaux ont montré qu'une humeur négative donne de la motivation lorsque les personnes gays ou tristes doivent exécuter une tâche mentale complexe. Celles qui sont de mauvaise humeur persévèrent plus, passent davantage de temps à cette tâche et donnent plus de bonnes réponses. Autre exemple, les sentiments négatifs peuvent améliorer la mémoire. Dans une étude de 2008, les chercheurs ont étudié les effets d'une mauvaise humeur liée à la météo. Des personnes qui faisaient du shopping lors de journées ensoleillées ou nuageuses voyaient 10 objets inhabituels dans un magasin. Ils devaient plus tard se les rappeler. Résultat, les consommateurs de mauvais poils se souvenaient mieux des détails. La mauvaise humeur peut aussi améliorer la mémoire visuelle. Joseph Forge explique aussi que une mauvaise humeur peut conduire les gens à porter plus attention aux autres, à se comporter de manière plus équitable et moins égoïste envers autrui. Le chercheur conclut qu'en donnant trop d'importance au bonheur, nous ne tirons pas profit des vertus de la tristesse et nous risquons plus de déception. Voilà pour Merci Science. Il nous reste encore le segment Geek CLX dans quelques instants. Mais avançons sans m'entendre. Encore le même artiste qu'on a entendu en début d'émission, j'avais bien aimé ce qu'il faisait, c'est Amateur LSDJ. Voici Penny, tout de suite, au Mathieu Plante Show. Ça, c'est fou! 89.fm! vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Ça, c'était Petty par Amateur LSDJ. Toujours Mathieu Planchot, maintenant, c'est le segment Geek CLX. CNX, la collègue de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. On commence avec des robots. Demain, un robot sera enseigné à d'autres robots. Une équipe du MIT a développé un protocole d'acquisition et de transmission des connaissances pour des robots. Il permet à des personnes n'ayant aucune expérience en programmation informatique d'enseigner une tâche à un robot, lequel sera ensuite capable de l'apprendre à l'un de ses congénères. Certains salueront une avancée capitale, d'autres y trouveront une source d'inquiétude. Hein? Des robots sont capables d'apprendre à accomplir une tâche et de transmettre ce savoir à un autre robot. C'est le résultat d'un travail accompli par une équipe du Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory du Massachusetts Institute of Technology, le CSIL du MIT, comme on l'appelle. Ils ont mis au point un système baptisé C-Learn, qui réunit le meilleur des deux principales techniques de programmation en robotique. La première consiste à utiliser la démonstration qui montre l'accomplissement d'une tâche à répliquer. La seconde repose sur la planification de mouvements dans laquelle un informaticien doit programmer une tâche avec ses contraintes et ses objectifs. Ces deux méthodes ont chacune leurs défauts et l'apprentissage par démonstration ne permet pas au robot d'appliquer ce savoir à d'autres situations, tandis que la planification de mouvements est chronophage et réclame des compétences poussées. L'homme s'est puisé dans son expérience pour déterminer de quelle manière il pourrait accomplir une action inédite. Le but de C-Learn est de parvenir à entraîner les robots comme le font les humains en combinant le côté intuitif de la démonstration avec la précision de la planification de mouvements. L'idée maîtresse de C-Learn est de s'affranchir d'un apprentissage par l'imitation du mouvement pour aller vers une déduction de principes qui le sous-tendent. Cela permet d'introduire une flexibilité et une capacité d'adaptation plus grande pour les machines. Concrètement, l'opérateur commence par dispenser au robot des connaissances de base sur la manière de saisir des objets ayant différentes contraintes de manipulation. Par exemple, bien qu'une roue de voiture et un volant partagent la même forme, les deux ne sont pas fixés de la même manière. Il faut donc que le robot sache adapter la configuration de son bras à ses tâches. Une fois ces informations acquises, l'opérateur, qui n'a pas besoin de maîtriser la programmation informatique, utilise une interface 3D pour montrer au robot la démonstration de la tâche à accomplir. Celle-ci contient une série d'étapes clés que la machine va ensuite corréler aux différents cas de figure enregistrés dans sa base de connaissances. Ainsi, le robot peut suggérer un plan d'action que l'opérateur humain pourra approuver ou amender. L'équipe du CICEL a testé son système avec Optimus, un robot à deux bras conçu pour le désamorçage des engins explosifs. Ça commence déjà bien, deux bras. On lui a appris à ouvrir des portes, extraire et transporter des objets placés dans des conteneurs. Optimus a ensuite transmis ces connaissances-là au robot Atlas, un géant mesurant 1,80 m. Je suis plus grand que ça, rien. Et pesant 180 kilos, je suis pas rendu là, dont la configuration physique diffère beaucoup de celle de son professeur. Au final, Atlas est parvenu à accomplir les mêmes tâches qu'Optimus sans qu'un humain ne soit intervenu dans sa formation. Durant les essais, le robot Optimus a su exécuter la tâche demandée sans intervention dans plus de 87% des cas. Il atteignait même une réussite de 100% lorsqu'un opérateur intervenait pour corriger quelques menues erreurs. Pour le moment, C-Learn ne fonctionne que pour des tâches assez simples. Il ne sait pas encore éviter les collisions ni gérer la planification de plusieurs étapes intermédiaires dans une mission donnée. Mais les roboticiens du C-Sail disent vouloir continuer à s'inspirer de l'apprentissage humain pour faire progresser leur plateforme. Au final, un tel système pourrait jouer un rôle crucial dans la robotisation des usines en permettant de recourir à des robots différents sans avoir à les programmer individuellement. C-Learn pourrait également servir dans des situations d'urgence pour aider les robots de sauvetage ou de désamorçage de bombes à apprendre rapidement une nouvelle tâche. Toujours chez les robots, de la peau électronique pour donner le sens du toucher aux robots. Des chercheurs de l'Université du Minnesota ont mis au point une imprimante 3D capable de produire des capteurs tactiles hyper souples. Ils pourraient équiper les robots et même être intégrés dans le corps humain. Si les robots avaient le même sens du toucher que les humains, ils pourraient accomplir davantage de tâches industrielles, hospitalières ou ménagères. Le projet européen RoboSkin s'y était attelé il y a quelques années, tandis que les chercheurs de l'Institut national des sciences et technologies de Corée du Sud avaient réussi à produire il y a 2 ans un derme artificiel reproduisant la forme du bout de nos doigts. Mais le tout était resté jusqu'à maintenant très artisanal. L'Université du Minnesota publie donc un article dans la revue Advanced Material décrivant comment l'une de ses équipes a développé une imprimante 3D permettant de fabriquer du derme artificiel avec un capteur de pression hyper souple directement intégré. L'imprimante dispose de 4 buses pour les différentes encres spécialisées qui forment les couches du produit fini. La première couche est composée de silicone, la seconde d'électrode. Vient ensuite le capteur de pression en forme de bobine, encore une couche d'électrode, du silicone et enfin une couche qui ne sert qu'à maintenir la surface en place et est éliminée dans le processus final de fabrication. Chaque strate est imprimée à température ambiante. Contrairement au procédé traditionnel de fabrication additive, le résultat est une texture extrêmement souple qui peut être étirée jusqu'à 3 fois sa dimension originelle. Les travaux ont été supervisés par Michael McAlpine, qui s'était fait remarquer en intégrant de l'électronique et des nanomatériaux imprimés en 3D dans une oreille bionique en 2013. La promesse de cette imprimante 3D va beaucoup plus loin et donc produire de la peau électronique pour un blessé ou un grand brûlé. Les chercheurs du Minnesota ont réussi pour le moment à mettre en contact leur derme artificiel avec de la peau humaine et leur dispositif a réussi à détecter le pouls de la personne en temps réel. La prochaine étape sera d'imprimer des capteurs directement sur un corps. Un parti pris inverse à celui de la bioimpression qui s'appuie sur des cellules cultivées en laboratoire. Au mois de janvier dernier, des chercheurs de l'Université Carlos III de Madrid avaient dévoilé une imprimante 3D capable de produire de la peau humaine fonctionnelle. Une intelligence artificielle qui va décider pour la police anglaise si un suspect doit être gardé en détention. D'ici 3 mois, les policiers britanniques de la ville de Durham demanderont son avis à Hart avant de décider si un suspect doit rester en détention provisoire. Mais Hart n'est pas le chef du commissariat, non, c'est une intelligence artificielle. La BBC rapporte en effet que cet outil d'évaluation des risques de préjudice, donc HART, va donner son avis sur la remise en liberté d'un suspect arrêté. Une décision basée sur un ensemble de données récoltées de 2008 à 2012 et traitées par un algorithme. La machine classe les suspects selon 3 catégories, risque faible, moyen ou important. Hart a déjà été testé en 2013. L'analyse des résultats a montré que les individus classés faible risque n'ont pas violé la loi dans l'attente de leur procès dans 98% des cas. Ceux avec un risque élevé l'ont fait dans 88% des cas. Une précision plus faible car l'algorithme a été mis au point pour éviter le plus possible de relâcher un suspect qui pourrait récidiver. L'idée d'un logiciel choisissant le destin d'homme fait tout de même froid dans le dos, nous dit-on, dans l'article de du Huffington Post. Surtout que l'année passée, une importante polémique a eu lieu aux États-Unis autour d'un algorithme similaire, accusé d'être plus souple avec les blancs qu'avec les noirs. Interrogé sur le sujet par la radio publique, les créateurs du logiciel ont précisé que Hart ne fera rien d'autre que de donner une recommandation aux policiers. Pour autant, les auteurs estiment que leur logiciel prend en compte de nombreux facteurs pour établir le profil de risque du suspect, tout en assumant certaines limites, par exemple, comme le fait que les données ne concernent que la ville de Durham. On espère quand même, selon l'article, que Hart se généralise un jour et qu'il n'aura pas la même logique que HAL dans 2001, Odyssée de l'espace. Et on termine avec un éclairage biologique sans électricité. Une jeune société, Glowy, propose un éclairage des plus originaux. Un petit peuple de bactéries rendues bioluminescentes et présentées sous de multiples formes, plutôt conçues pour la décoration pour illuminer un événement. Du moins pour l'instant, cette lumière est trop faible pour éclairer une pièce, mais elle ne consomme rien. Hein? Tout est venu des abysses où des animaux savent se signaler dans la profondeur obscure en émettant de la lumière par bioluminescence, comme le font aussi les vers luisants et les algues planctoniques. Deux étudiantes en design se disent, devant un reportage montrant ces organismes colorés, que cette source de lumière pourrait un jour servir aux humains. Le projet Glowy est lancé et remporte le concours Art Science. Ne reste plus qu'à le concrétiser, ce qui sera fait avec une équipe de l'école SOP Biotech qui connaît les gènes, les bactéries et la biochimie. L'équipe de Glowy a beaucoup travaillé sur la forme et la présentation des bactéries qui peuvent être incluses dans un gel d'agar puis encapsulées dans un contenant transparent. Des formes de toutes sortes sont obtenues au pochoir sur des boîtes de pétri et les chercheurs de Glowy planchent sur des systèmes améliorés pour créer des illuminations personnalisables. Avec des jeux de surface réfléchissantes, les décorations possibles sont modulables à l'infini. Les ingénieux spécialistes ont bien d'autres idées et cherchent notamment à obtenir des couleurs différentes dont le mélange multiplierait les teintes. Un éclairage qui ne consomme que du sucre et dont les produits finaux sont intégralement revalorisables. Voilà donc une idée qui pourrait être exploitée bien au-delà des vitrines pour Glowy. C'est tout pour le bloc SNX et c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mercredis entre 15h et 17h. On t'en rappelle les jeudis à midi, les mardis à 10h, en plus d'une nouvelle rediffusion pour l'été les samedis à 9h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis dans une nouvelle case horaire pour l'été les jeudis de 14h à 17h. Sif.ca pour la programmation complète. Note de l'émission balado diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe collective du Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante, vous avez été planté. Audiomatique s'en vient pour les auditeurs du mercredi et on se quitte avec une pièce encore de Amateur LSDJ. Je l'ai vraiment aimé celui-là. Ce sera la pièce Mystery. À la semaine prochaine. Bye bye.